Chapitre 12. Et ayant terminé la pourpre et l'écarlate, elle les porta au grand prêtre. Et il la bénit, et il dit, « Ô Marie, ton nom est glorifié, et tu seras bénie dans toute la terre. » Et Marie, ayant conçu une grande allégresse, alla vers Élisabeth, sa cousine, et elle frappa à sa porte. Élisabeth, l'entendant, courut à sa porte, et elle aperçut Marie. Et elle dit, « D'où me vient que la mère de mon Seigneur se transporte près de moi? Ce qui est en moi s'est élancé et t'a bénie. » Et les mystères que l'archange Gabriel avait annoncés à Marie étaient cachés pour elle. Et regardant au ciel, elle dit, « Que suis-je donc pour que toutes les générations m'appellent ainsi heureuse ?» De jour en jour, son ventre s'enflait, et Marie, saisie de crainte, se retira dans sa maison et se cacha au regard des enfants d'Israël. Et elle avait 16 ans lorsque cela se passait.